بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on continue inshallah avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala l'explication du texte sur Umdat al-Fiqh. Donc on était dans Kitab al-Siyam, le livre du jeûne, et ici on est passé rapidement au dernier dars sur ce point-là. Si jamais on est entré par le témoignage d'une seule personne dans le mois de Ramadan, une personne a dit j'ai vu donc le croissant de lune du mois de Ramadan, et on a ordonné aux gens de jeûner, et qu'au bout de 30 jours on ne voit pas le croissant de lune. Ici aussi ils disent on annule la journée de la personne, hein, le jour qu'on a jeûné en raison du témoignage d'une seule personne, parce que le témoignage d'une seule personne, la yufidul qata, le témoignage d'une personne, il ne, n'implique pas la certitude. Simplement, ça implique une pensée prépondérante. Et là, comme on n'a pas vu le croissant de lune au bout de 30 jours, hein, donc il donne la prépondérance au fait qu'en réalité, ça n'était sûrement pas en réalité le mois de Ramadan. Donc ils font tomber aussi ce jour-là et complètent une journée. Et complètent une journée, donc rajoutent même encore une journée, quitte à jeûner 31 jours. Nous, on dit que non. Hein, on ne suit pas cet avis-là. Même si on est entré par le témoignage d'une seule personne, c'est une ru'ya shar'iyya, c'est une vision qui est législative. Donc au bout de 30 jours, même si on ne voit pas le croissant de lune, le lendemain c'est l'Eid. Allah a'lam. Ensuite on avait parlé du prisonnier. Donc le prisonnier, comme il ne peut pas, si jamais il ne peut pas, donc savoir est-ce que c'est le mois de Ramadan ou pas, il est coupé donc d'une radio musulmane qui a une ru'ya shar'iyya par exemple, ou bien de sa famille, hein, qui pourrait le contacter et lui annoncer que c'est le mois de Ramadan, ou bien toute personne thiqa, musulmane, qui pourrait témoigner donc que c'est le mois de Ramadan à telle date. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il suit sa pensée prépondérante. Et une fois qu'il pense être entré dans le mois de Ramadan, il jeûne. Donc il jeûne et il s'efforce de jeûner un mois complet. Et ensuite, plus tard, une fois que il a l'information, s'il l'a un jour, si jamais il ne l'a jamais, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala, bihawlillah azza wa jalla, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah ne surcharge pas une âme parce qu'elle ne peut pas supporter. Donc une fois qu'il aura eu l'information plus tard, s'il l'a, donc du vrai Ramadan, du Ramadan, donc de la date du Ramadan, du mois de Ramadan, si jamais il a jeûné son mois de Ramadan de manière complète par rapport à la vraie date, à la date authentique, donc alhamdoulilah, il n'a rien à rattraper. Si jamais il a jeûné une partie du mois de Ramadan, donc de manière superposée au vrai mois de Ramadan, et une partie après, il ne doit pas rattraper ces jours-là qu'il a fait en dépassement par rapport à la vraie date, parce qu'ils sont comptés comme qada, comme rattrapage. En revanche, si jamais il a jeûné des jours avant la date authentique du mois de Ramadan, donc tout le mois de Ramadan avant la date authentique du mois de Ramadan, ou bien quelques jours, il doit rattraper toutes ces journées qu'il a jeûné avant la date authentique du mois de Ramadan. Il y a aussi quelques points sur lesquels on est passé rapidement et qu'on n'a pas développé. Par rapport au début et fin de journée, et au début et fin de mois. Donc par rapport à la journée, concernant la personne qui est dans un avion, par rapport à quelqu'un qui est dans un avion, comment est-ce qu'il doit juger donc du début ou de la fin de la journée? Si jamais l'avion est au sol, si jamais l'avion est au sol, donc il suit l'horaire de la ville dans laquelle il est, tant que l'avion est encore au sol. Et on saisit l'occasion aussi pour dire que l'horaire, alhamdoulilah, si le ta'qit, si jamais le ta'qit il est fait par des gens de confiance et de science, alhamdoulilah, c'est acceptable. On peut simplement suivre la montre sans regarder les signes extérieurs. Et ça n'entre pas. Quelqu'un pourrait dire, mais pourquoi est-ce qu'il est permis de suivre ici l'heure, il n'est pas permis de suivre le hisab par rapport à la lune? La réponse est simple, c'est parce que le hadith, donc par rapport à la vision de la lune, il a dit, les ru'yati, jeûnez lorsque vous le voyez. En revanche, la prière, on n'a pas cette condition-là. Le prophète alayhi salatu wassalam a fait la prière derrière Jibril et il a eu des périodes. Donc des périodes auxquelles il faut prier, hein, des périodes de début de prière et de fin de période de prière. Mais il n'a pas été dit, lorsque vous voyez ces signes-là, priez. Non, simplement, la charia a établi le début et fin donc, de chaque période de prière. Mais il n'a pas été dit, lorsque vous voyez donc, le coucher du soleil, priez. Lorsque vous priez la salat al-maghrib, lorsque vous voyez le lever de l'aube, priez la salat al-fajr. Non, il n'y a pas cette condition-là de lorsque vous voyez. Sallu li ru'yati tulu'i al-fajr ath-thani, priez la salat al-fajr lorsque vous voyez la levée de l'aube véridique. Priez la prière du maghrib lorsque le soleil se couche. On n'a pas ça. Priez la salat al-isha lorsqu'il y a la disparition du shafaq al-ahmar, de l'aube rouge. On n'a pas donc le lien avec la vision. Simplement, il est rapporté qu'il y avait ces signes-là. Donc, il n'y a pas contradiction entre ces deux notions-là. Donc, il est permis de suivre les horaires s'ils sont de confiance. Wallah a'lam. Donc, celui, on revient à celui qui est dans l'avion. Si l'avion est au sol, il peut suivre les horaires, même il doit suivre les horaires de la ville dans laquelle il est. Donc, la ville, l'aéroport n'est jamais très loin d'une manière conséquente à ce que les horaires changent par rapport à la ville. C'est toujours... toujours dans des grandes villes. Donc celui qui est dans un avion dans un aéroport de Paris suit les horaires de Paris. Celui qui est dans un avion dans un aéroport de Marseille, de Bordeaux, de Toulouse, il suit l'horaire donc de début et d'entrée de la journée de ces villes-là. Si jamais l'avion a décollé, il ne prend plus en compte ces horaires-là. Et là, il regarde par le hublot. Il regarde par le hublot. Il lui est permis de manger, donc de manger le suhoor jusqu'à ce que le soleil se lève, le Fajr Thani, jusqu'à ce qu'il voit le trait blanc différencié du trait noir. Tant que ce n'est pas le cas, il lui est permis de manger. Et inversement, pour sortir de la journée et entrer dans le Fitr après Salat al-Maghrib, après al-Maghrib, Afwan, ce n'est pas en lien avec la prière, mais avec le coucher du soleil, lorsqu'il voit le soleil se coucher, il lui est permis de rompre son jeûne. Il lui est permis de rompre son jeûne. Et si jamais au sol, il voit le soleil se coucher et que l'avion décolle et que le jour réapparaît, il ne l'est pas permis de rompre son jeûne. Il doit continuer car il avait commencé le jeûne et il n'y a pas prise en considération du fait que le soleil est réapparu. Wallah a'lam. Concernant le mois maintenant, pour quelqu'un qui a commencé le jeûne donc dans un pays et qui quitte ce pays-là et part en voyage, il va donc dans un autre pays, arrive dans un pays où ils voient donc la lune du mois de Ramadan, ils font le Eid, ils voient la lune du mois de Shawwal, ils font le Eid plus tard que le pays où il était au début. Donc si jamais cette personne-là, à la base, elle fait le Eid avec cette personne-là, sauf si jamais ça implique qu'il fasse 31 jours. Donc si jamais le pays dans lequel il était à l'origine, ils ont fait 29 jours, et lui, il arrive dans le pays, quand le pays qu'il a suivi à la base, ils font l'Eid. Quand le pays à la base, ils font l'Eid. Ils font 29 jours. Ils font l'Eid au bout de 29 jours. Lui, dans le pays là-bas, il complète 30 jours avec ces gens-là. Il complète 30 jours avec ces gens-là. Ça, c'est selon la parole qui dit qu'à chaque contrée, à chaque région, on a une ru'ya, on a une vision. Par rapport à l'autre parole qui disait que la vision donc, d'un endroit dans le monde implique que le lendemain, c'est l'Eid, donc pour toute la planète, pour toute la Oumma, là, à ce moment-là, alors il doit rompre son jeûne. Mais beaucoup font fatwa que tu ne romps pas ton jeûne, et si jamais tu le romps, tu le fais secrètement. Hein? Et tu ne fais pas comme certains disent, c'est l'Eid. Hein? Et tu fais la doua du Eid aux gens, et après tu fais une salat en petit groupe avec quelques frères, alors que dans la Daoula, dans le pays, ce n'est pas l'Eid. Et que les mosquées ne vont pas faire. Les gens ne vont pas aller à la Moussallah, il ne va pas y avoir la khutbah du Jumu'ah. Donc on ne fait pas comme ça des chara'i' isolés au milieu d'une foule musulmane. Donc ça, c'est si jamais ça, le fait que rajouter une journée pour suivre le pays dans lequel est arrivé, ça le fait arriver à 30 jours. Si jamais le fait de suivre le pays dans lequel est arrivé l'amène à jeûner, donc 31 jours, là, il fait le fitr de manière secrète. De manière secrète, il rompt son jeûne et ne le montre pas aux gens. Wallahu a'lam. Si jamais il arrive dans un pays où ils font le Eid avant le pays d'où il arrive et que ceci implique qu'il va jeûner seulement 28 jours. Il fait l'Eid avec eux. Il fait l'Eid avec eux et après il fait le Qada, il rattrape une journée. Par rapport au hadith du prophète alayhi salam, As-sawmu yawma tasawmun wal fitru yawma tuftirun. Votre jeûne, le jeûne c'est le jour où vous jeûnez, et al-fitr, donc sous-entendu l'Eid, c'est le jour où vous rompez votre jeûne. Donc le prophète alayhi salam ici a dit que le jeûne était un jeûne de groupe et que le fait de rompre un Eid aussi c'est un Eid de groupe, wallahu a'lam. Et surtout le plus important dans ces points-là, c'est faire attention à la fitna, hein, ne pas faire des fitnas, surtout la awam, monsieur, madame, tout le monde, hein, quand tu romps ton jeûne devant eux, ça c'est des choses qui pour eux c'est quelque chose de très grave et tu désacralises l'eau moins devant les gens. Ils ne comprennent pas ça et tu risques après de créer quelque chose qui est le fait de diminuer la valeur du mois de Ramadan dans le cœur des gens. Hein, donc il faut rompre, Inch'Allah, son jeûne de manière secrète pour celui qui, lorsqu'il arrive dans un pays et que s'il suit le rite du pays, arrive à 31 jours. Si ça implique qu'il ne fait que 28 jours, on a dit, il rompt son jeûne, fait le rite avec les musulmans et ensuite rattrape une journée. Donc on continue l'explication du texte, Inch'Allah, d'Ibn Qudama. Il dit, Rahmatullah al-Ibab, ou Ahkam al-Muftirin fi Ramadan. Donc cette porte est assez longue, on va la couper en deux, Inch'Allah. On va en faire la moitié aujourd'hui. Et ensuite, on complétera au prochain dars, Inch'Allah, la suite. Donc il dit, Rahmatullah al-Ibab, ou Ahkam al-Muftirin. Al-Muftirin, donc al-Muftirun, c'est ceux qui font al-Iftar, c'est ceux qui vont rompre leur jeûne. Fi Ramadan, dans le mois de Ramadan. Il dit, وَيُبَاحُ الْفِطْرُ فِي رَمَضَانَ لِأَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ وَيُبَاحُ Et il est permis. Il est permis. Donc si on prend de manière littérale ici l'expression d'Ibn Qudama, rahmahullah, ça veut dire que toutes les catégories qui vont arriver, il leur est permis de rompre leur jeûne. S'ils veulent, ils le rompent. Et s'ils veulent, ils jeûnent. Mais ce n'est pas le cas. Car on va voir qu'il y a le ha'id wa nufasa. Il y a celle qui est en période de menstrue ou bien de louchi. Est-ce que يُبَاحُ لَهُمُ الْفِطْرُ Est-ce qu'il leur est permis, eux, de rompre leur jeûne? Non, il est obligatoire. Ils ne peuvent pas jeûner. Il est haram pour eux de jeûner, comme on va le voir. Et aussi certaines catégories de malades ou bien de voyageurs. Celui qui, lorsqu'il est malade, s'il jeûne, il risque de mourir. Cette personne-là, il est alors pour lui interdit de jeûner. Donc, وَيُبَاحُ, c'est de manière générale, mais بِالتَّفْصِيل, de manière détaillée, ce n'est pas وَيُبَاحُ. On verra que il y aura différents statuts juridiques selon les cas. وَيُبَاحُ الْفِطْرُ. Donc, et il est permis de rompre le jeûne fi Ramadan dans le mois de Ramadan les arba'ati aqsam, pour quatre catégories. Donc il va nous apporter, rahmatullah alayh, il va nous apporter, rahimahullah, quatre catégories pour lesquelles donc rompre le jeûne va être soit obligatoire, soit recommandé, soit ça va être permis, mais on verra que toujours c'est soit recommandé ou soit obligatoire. Il dit la première, donc catégorie, ahadiha, donc la première des catégories, al-maridu alladhi yatadarraru bih wal-musafiru alladhi lahu al-qasr. Ça c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, on va rapporter les quatre, ensuite les détailler une à une. Al-ha'idu wal-nufasa, celle qui est en période de menstrue, wal-nufasa, celle qui est en période de louchi. Ensuite la troisième catégorie, al-hamilu wal-murdi'a, celle qui est enceinte, la femme qui est enceinte et la femme qui allait. Et la femme qui allait. Dans des cas, on va voir. Quatrième catégorie, al-ajizu 'ani as-siyami likibarin aw maradin la yurja bur'uh. L'incapable, celui qui est incapable de jeûner en raison donc de la vieillesse, parce qu'il est vieux, en âge avancé, aw maradin la yurja bur'uh, ou parce qu'il a une maladie dont on n'espère pas la guérison. Donc ça, ce sont les quatre catégories dont pour lesquels il est permis, Inch'Allah, de rompre le jeûne. Et on va voir qu'il est même parfois obligatoire, car ils ne peuvent pas jeûner. Donc la première, al-maridu alladhi yatadarraru bih. Donc la première catégorie pour laquelle il est permis de rompre le jeûne, c'est le malade. Le malade. Il dit, rahimahullah, alladhi yatadarraru bih. Donc ça, c'est un qaïd. Ça, c'est une qualité qui va donc expulser certains malades. Parce que est-ce que c'est toute maladie qui permet de rompre son jeûne? Là, selon l'imam Ibn Qudama, non. C'est pour ça qu'il n'a pas dit « al-marid » point. الذي يتضرر به. Le malade qui, par le jeûne, donc se fait mal. Mais on va voir qu'il y a même une autre catégorie pour laquelle il est permis de rompre le jeûne. Ce n'est pas la seule catégorie. Donc il y a deux raisons. Il y a la mashaqqa, la difficulté, et aussi le fait que le jeûne fasse du mal à la personne. Donc ça, ce sont deux raisons. C'est pour ça que le malade, il a donc plusieurs cas que l'on va voir, Inch'Allah. Mais avant, quelles sont les preuves permettant de dire que le malade, il lui est permis de rompre son jeûne? C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate al-Baqarah: وَمَنْ كَانَ مَرِيدًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Et quant à celui qui est malade ou bien en voyage, donc pour lui, c'est un autre nombre de jours. Surat al-Baqarah, verset 185. L'imam Ibn Qudama, rahmallah, dans le Mourni, donc l'auteur de ce texte-là, c'est lui, Ibn Qudama al-Maqdisi, dans un livre qui est le Mourni, qui est une encyclopédie, il dit « Ajma'a ahlul ilmi ala ibahati al-fitr lil-maridi fil jumla ». Donc les gens de science sont en accord unanime sur la permission pour le malade de rompre son jeûne, de manière générale. Après, dans certains détails, ils sont en désaccord. Mais à la base, il est permis donc pour le malade de rompre son jeûne. Donc quels sont les cas, les différents cas concernant le malade? Premier cas, la yata'atharu bis-sawmi. Premier cas, le fait de jeûner ne lui fait strictement rien. Car ce qu'il a comme maladie, c'est extrêmement léger. Ka yasir al-marad kas-sudaa, par exemple, comme un petit mal de tête ou un petit mal de dents. Ou un petit peu de fièvre. Donc ça, c'est une maladie qui ne comporte, qui n'implique aucune difficulté, aucune mashaqqa et aucun mal aussi. Donc aucune mashaqqa, aucune difficulté, et aucun darar, aucun mal si jamais il jeûne. Donc celui-là, il ne lui est pas permis de jeûner. Deuxième catégorie, an yashuqa alayhi sawm. Donc deuxième catégorie, c'est que le jeûne, il est difficile pour lui. Lakin la yadurruhu, mais il ne lui fait pas de mal. S'il jeûne, ça n'a pas de conséquence sur sa santé. Donc ça ne le fait pas tomber malade, ça n'ajoute pas dans sa maladie, et troisième chose, ça ne risque pas de faire reculer sa guérison si jamais il est malade. Donc il est difficile pour lui de jeûner, mais ça ne lui fait pas de mal. Donc ici, yusannu lahu al-fitr, c'est recommandé pour lui donc de jeûner, wa yukrahu lahu as-sawm, et il est détestable pour lui de jeûner. Pas haram, mais détestable. Troisième cas, an yashuqa alayhi as-sawm wa yadurruhu. Donc troisième cas, c'est que le jeûne, il est difficile pour lui, mais en plus, il lui fait du mal dans sa santé. Comme quelqu'un qui fait de la dialyse, par exemple, qui a les reins, donc en panne, malade, ou bien quelqu'un qui a du diabète. Mais ce n'est pas tous les cas de diabète. Si jamais, donc l'avis médical, ou bien lui par pratique, donc par expérience, il sait que donc ça le rend malade, ça lui ajoute dans sa maladie, c'est pas bon pour sa santé, il y a un risque donc pour soi, sa vue, les diabétiques quand ils jeûnent, le diabète, il y a un risque pour la vue, il y a un risque pour autre chose. Donc si jamais par pratique ou bien par avis médical, il sait qu'il y a un risque pour lui, alors à ce moment-là, il devient haram pour lui. Haram pour lui de jeûner. Quatrième cas, an yastawiya 'indahu as-sawm wal-fitr. Donc jeûner ou rompre son jeûne, pour lui c'est pareil. Pour lui c'est la même chose. Il n'y a pas vraiment de difficulté dans le fait de jeûner. Ça peut être le cas dans les journées d'hiver. Vraiment, il n'y a strictement aucune difficulté. Qu'est-ce qui est pour le mieux pour lui? Il y a divergence. Les savants, certains disent le mieux c'est rompre le jeûne pour prendre la rukhsa, la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'autres disent que c'est le jeûne, Allah alam. Le jeûne, bihawlillah, il est meilleur en raison donc des causes suivantes. La première, les idrak et fadilati zaman, afin de jeûner donc dans la meilleure des périodes, qui est le mois de Ramadan, car le qada ne va pas se faire pendant la période de Ramadan, et il est certain que la période de Ramadan est la meilleure. Deuxième, les anna dhalika asra'u fi ibra'id dhimma, le fait de jeûner tout de suite, ça innocente la personne, ça la déresponsabilise du jeûne qu'il doit faire pour Allah subhanahu wa ta'ala de manière plus rapide que s'il laisse donc le jeûne pour plus tard. Troisième raison, li anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana yasumu fi as-safari akthara mimma yuftir fi wa ma qila fi as-safari yuqalu fi al-marad. Troisième raison, c'est que le prophète alayhi salatu wa sallam en voyage, on ne parle pas de la maladie, mais en voyage, il jeûnait plus que les cas majoritaires, c'est qu'il jeûnait. Bien plus que les cas où il rompait son jeûne en voyage. Donc, par rapport à cette attitude que le prophète alayhi salatu wassalam avait donc dans les voyages, et notamment des voyages qui étaient faciles où il n'était pas donc difficile de jeûner, donc de même pour une maladie où jeûner ou rompre son jeûne sont du même niveau, donc il est mieux, incha'Allah, de jeûner et non pas rompre son jeûne. Quatrième raison, لِأَنَّ صِيَامَ مَعَ النَّاسِ أَيْسَرَ. Quatrième raison, c'est parce que le fait de jeûner avec les gens, dans l'ambiance du mois de Ramadan, c'est plus facile, ça c'est certain. وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُيِّرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا. Le prophète, alayhi salatu wassalam, comme dit Aïcha, il n'avait jamais le choix entre deux choses sans qu'il en choisisse donc la plus facile. Donc pour ces raisons-là, c'est mieux, même si certains savants ont dit donc qu'il était préférable de rompre ce jeûne parce que c'est une rorsa, wallah a'lam. Comment est-ce que l'individu, il sait donc qu'il a une maladie lui permettant donc de rompre son jeûne? Par deux voies donc. Il y a deux choses qui lui permettent de juger de cela. Première chose, al-qarar al-tibbi, donc l'avis médical. L'avis médical. Min tabibin thiqa, d'un médecin, donc qui est de confiance, wa illam yakun musliman, même s'il n'est pas musulman. Ce n'est pas une condition. Comme dit Cheikh Al-Wasemin et d'autres, ce n'est pas une condition. Mais il faut qu'on sache que c'est une thiqa. Si tu sais que c'est un, entre guillemets, islamophobe, hein, et qu'il va te dire non, allez, il faut manger pour. Et il n'y a pas de raison, hein, tu ne suis pas cet avis-là. Et à la base, on ne va même pas chez un médecin comme ça. Mais il y a des médecins, on sait très bien qu'ils n'ont pas de problème avec les musulmans, l'islam. Même les mécréants, il va te donner un avis juridique, professionnellement parlant, propre, sans aucune arrière-pensée, sans aucune mauvaise intention. Mais celui qui peut trouver un musulman, c'est toujours mieux, mais ce n'est pas une condition pour que la vie médicale te permette de prendre la rursa d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième voie pour savoir qu'il est permis de rompre son jeûne et que cette maladie donc est conséquente, c'est l'expérience personnelle. Il y a des gens comme ça, ils savent donc que le jeûne leur fait du mal. Par journée d'été, parce que la journée est longue, je sais que ça va me faire mal parce que je jeûnais. J'ai déjà jeûné l'année dernière et j'ai expérimenté, je me rappelle que ça m'avait fait mal. Ou bien la personne, juste pendant le mois de Sha'ban, a jeûné. Elle a jeûné des jours pendant le mois de Sha'ban et elle a vu que le fait de jeûner lui faisait du mal par rapport à son diabète, lui faisait du mal par rapport à une autre maladie. Donc, cette maladie, là encore pendant le mois de Ramadan, alors il lui est permis, donc de, par ce jugement-là, de rompre son jeûne. Donc on voit par rapport aux quatre cas qu'on a cités que ce n'est pas une permission comme ça générale et qui est la même pour les quatre cas. Pour le premier cas, donc il n'est pas permis de rompre son jeûne alors que la personne est malade. Mais c'est une maladie qui n'est pas conséquente, donc il est ici haram, le fitr pour lui. Donc on revient à l'expression de Ibn Qudama rahmallah qui avait dit « wa yubahu lahu al-fitr », il est permis. Donc de rompre son jeûne, ce n'est pas de manière absolue pour tout malade. Donc la première catégorie ne peut pas rompre son jeûne. La deuxième catégorie, celui dont le jeûne est difficile, il a une certaine mashaqa, mais il ne lui fait pas de mal dans sa santé, celui-là c'est makruh de jeûner. Et il est fortement recommandé pour lui de rompre son jeûne. Troisième cas, c'est celui donc pour lequel le jeûne comporte une difficulté, mais en plus lui fait mal à sa santé. Celui-là, il est haram pour lui de jeûner. Et il est obligatoire donc de rompre son jeûne. Si jamais il se force et jeûne, est-ce que son jeûne est bon? Et l'exemple donc du mois de Ramadan, il y a divergence. Et nous, on a beaucoup fonctionné selon le madhab Hanbali, et surtout ici, parce que ce qui est interdit, c'est le jeûne pour lui-même. On avait parlé de ça dans les ablutions. Quelqu'un qui fait ses ablutions avec un récipient en or. Donc le récipient en or, il est interdit d'être, de le posséder. Si tu fais tes ablutions avec, est-ce que tes ablutions sont bonnes? Dans le madhhab Hanbali, non. Parce que l'interdiction, ici, cette interdiction-là, elle annule donc les ablutions. D'autres disent que les ablutions sont authentiques, mais tu as le péché d'avoir fait tes ablutions dans un récipient en or. Mais ici, on n'a pas ce qu'on appelle une fika kujia. On n'a pas un interdit qui ne revient pas à l'acte même. Là, qu'est-ce qui est interdit lorsque la personne est malade? Est-ce que c'est quelque chose d'externe au jeûne ou c'est le jeûne en lui-même? C'est le jeûne en lui-même. Donc si on s'en tient vraiment au madhhab, aux règles qu'on avait appliquées auparavant, hein, celui qui est malade et qui jeûne, sachant que sa maladie peut donc l'amener à la mort, et que ce jeûne-là est haram, même s'il jeûne, ça ne le décharge pas. Il devra faire le qada. Et il a le péché en plus. Wallah alam. Mais il y a toujours quand même divergence sur l'ilm indallah. Alors que dans les autres cas, donc son jeûne, il est bon, il est sahih. Mujzi. Donc il le décharge, hein, du qada. Son jeûne est accepté. Donc même si le jeûne est makruh parce qu'il est malade et qu'il y a une mashaqqa, il y a une difficulté, s'il jeûne quand même et supporte cette difficulté-là, alhamdoulilah, son jeûne est bon, et dans les autres cas aussi. Sauf dans le cas où le jeûne est haram, parce qu'il y a de forts risques. Donc à ce moment-là, il y a divergence sur l'acceptation, l'authenticité de son jeûne ou non. Il dit ensuite, rahmatullah alayhi, wal musafiru alladhi lahu al-qasr. Et le voyageur, donc, pour qui il est permis donc de réduire sa prière. Il a donc dit al-musafiru alladhi lahu al-qasr, le voyageur alladhi lahu al-qasr, alladhi lahu al-qasr, celui qui a donc la permission de diminuer ses prières, de les raccourcir. Donc l'épreuve, toujours la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, et celui qui est malade ou bien en voyage, fa iddatun min ayyamin ukhra, il doit donc rattraper donc les journées qu'il a mangées par d'autres jours. Donc le voyageur, il a trois cas. On va ensuite expliquer qu'est-ce que le voyageur et quels sont les voyages pendant lesquels il nous est permis de rompre donc notre jeûne. Le voyageur, il a trois cas. Premier cas, « Alla yashuqa alayhi sawmu », que le jeûne ne soit pas difficile pour lui. Il n'a aucune difficulté. Comme quelqu'un qui fait aujourd'hui 100 km en voiture climatisée, il ne ressent pas la chaleur, il ne ressent strictement rien en termes de difficulté. Cette personne-là, as-sawmu lahu afdal, le jeûne est meilleur pour lui, pour les raisons qu'on a données tout à l'heure par rapport au malade. Et par rapport au hadith que l'on va citer donc maintenant. Donc celui-là, le jeûne est mieux pour lui, mais s'il veut, il jeûne. S'il veut, il rompt son jeûne. Il lui est permis de faire donc les deux choses. S'il veut jeûner, il jeûne, c'est mieux pour lui. Mais il lui est permis de rompre son jeûne quand même, même s'il n'a pas de difficulté. Donc on cite le hadith suivant, an Aisha radiyallahu anha, an Hamza ibn Amr al-Aslami. عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمر الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، رواه الجماعة. عائشة رضي الله عنها dit que حمزة ابن عمر الأسلمي رضي الله عنه un compagnon a dit au prophète صلى الله عليه وسلم أأصوم في السفر, est-ce que je jeûne, est-ce que je peux jeûner donc pendant le voyage, en voyage, et c'était quelqu'un qui jeûnait beaucoup, Hamza ibn Amr al-Aslami, radiyallahu anhu. Le prophète, alayhi salatu wa salam, lui a répondu, « In shi'ta fasum, si tu veux jeûne, wa in shi'ta fa'aftir, et si tu veux romps ton jeûne, rapporté par al-jama'a. » Al-jama'a, c'est les sept, Bukhari, Muslim, les quatre sunan et Ahmed. Donc ici, le prophète, alayhi salatu wa salam, lui a donné le choix. Hein? Si tu veux, tu jeûnes. Si tu veux, tu romps ton jeûne. Et il y a la même divergence comme par rapport au malade. Qu'est-ce qui est le mieux lorsque il n'y a pas de difficulté? Le mieux, c'est jeûner, ou le mieux, c'est rompre son jeûne? Il y a des savants qui disent le mieux, c'est rompre. Nous, on avait choisi que le mieux, c'est jeûner, Inch'Allah, pour les quatre raisons qu'on avait citées par rapport au malade, et de même, Inch'Allah, par rapport au voyage. Donc le mieux, bi'idhnillah, c'est de jeûner et non pas de rompre, si jamais le voyage ne comporte strictement aucune difficulté. On a aussi ce hadith là, وعن أنس رضي الله عنه, donc Ibn Malik, خادم النبي صلى الله عليه وسلم, قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم, متفق عليه. Donc Anas رضي الله عنه dit, nous voyagions avec le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, et le jeûneur ne faisait pas de reproche à celui qui rompait son jeûne. Et celui qui était mouftir, donc en état de rupture de jeûne, ne faisait pas de reproche au jeûneur, muttafaqun alayh, rapporté par le Bukhari Muslim. Donc ça c'est le premier cas, le jeûne ne comporte aucune difficulté pour la personne. Deuxième cas, an yakuna al-fitru arfaqa bihi wa as-sawm fihi mashaqqa. Donc le deuxième cas, c'est que le jeûne comporte une difficulté et que c'est donc plus confortable pour lui et beaucoup plus facile donc de rompre son jeûne. Ici, yukrahu lahu as-sawm. Le jeûne est détestable pour lui. Le jeûne est détestable pour lui. Pourquoi ? Parce que le jeûne, c'est une rukhsa, c'est une permission, et dans le fait de persister à jeûner alors qu'il y a une difficulté donc conséquente, c'est un délaissement de rukhsa qui n'a pas véritablement de raison. Et notamment par rapport au hadith suivant. An Jabirin radiyallahu anhu qal, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا فقالوا صائم فقال ليس من البر الصوم في السفر متفق عليه وفي رواية عليكم برخصة الله الذي رخص لكم. Donc Jabir رضي الله عنه dit, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم était en voyage et il a vu un attroupement et un homme qu'on avait mis à l'ombre. Dans une version, son cheval était sous l'ombre d'un arbre. Il a dit, qu'est-ce que c'est que cela ? On a dit, c'est un jeûneur. Il a dit, il ne fait pas partie du birr, donc du bien, de manière générale, de jeûner en voyage, unanimement reconnu authentique. Et dans une version, « Alaykum bi rukhsatillah » prenez donc la dérogation, la permission d'Allah, « Alladhi rakhasa lakum » qui vous a donné. Donc prenez la permission d'Allah, celui qui vous l'a donné. Donc ici, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit qu'il ne faisait pas partie du bien de jeûner dans le voyage. Est-ce que c'est de manière totale absolue ? Non, c'est certain, parce que dans le hadith précédent, Anas radiyallahu anhu a dit que les compagnons ont jeûné en présence du prophète alayhi salatu wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne va pas se taire sur quelque chose qui est haram, si jamais il était haram, de jeûner dans le voyage. Donc laysa min al-birr, il ne fait pas partie du bien, ça ne veut pas dire que c'est haram. Mais dans ce cas-là, c'est makrouh. C'est makro. Parce qu'il y a difficulté, comme c'était le cas ici de cette personne qu'on avait mis à l'ombre et qui était dans une difficulté et qui se forçait à jeûner malgré la difficulté. Troisième cas, an yashqa alayhi as-siyam mashaqqatan ghayra muhtamalah qad tuhlikuhu. Donc quelqu'un qui a une difficulté donc extrême, très profonde, très intense, et ce jeûne-là il peut même le tuer. Le mettre dans une maladie très importante. Donc, quel est le statut du jeûne pour cette personne-là ? Fasawmu lahu haram. C'est interdit pour lui de jeûner ici. Et il est obligatoire pour lui de rompre son jeûne. Donc, on revient à l'expression d'Ibn Qudama, wa yubahu al-fitru. Donc, il est permis donc, de rompre le jeûne. Les arba'ati aqsam, pour quatre catégories, yubah, il est permis, c'est pas de manière totale pour tout le monde. Il y en a où c'est obligatoire pour eux de rompre leur jeûne. Comme c'est le cas ici pour celui qui est donc dans un voyage et il risque donc de mourir ou bien par cette difficulté-là, d'entrer dans une difficulté extrême qui peut le faire tomber malade ou bien mettre sa santé en danger au point de mourir. Donc quelle est la preuve que ce type de jeûne-là, donc il est interdit pour celui qui est en voyage et dont le voyage est très difficile, dont la difficulté est très difficile. C'est le hadith suivant, an Jabirin radiyallahu an anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam kharaja 'am al-fath ila Makkah fi Ramadan fa sama hatta balagha qura' al-ghamim. Sama an-nas thumma da'a bi qadah min ma' فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة رواه مسلم. Donc selon Jabir radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est sorti donc l'année de la conquête de la Mecque, c'était pendant le mois de Ramadan. Donc il est sorti pendant le mois de Ramadan et il a jeûné jusqu'à ce qu'il arrive à un endroit qu'on appelle Qura al-Ghamim. À ce moment-là, donc, les gens étaient encore en état de jeûne. Le prophète alayhi salatu wa sallam a demandé un récipient d'eau et il l'a levé, ce récipient-là, jusqu'à ce que tout le monde l'a vu. Et il l'a bu, sallallahu alayhi wa sallam. Puis on lui a dit que des gens avaient continué de jeûner. Qu'est-ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wa sallam ? Oula'ika al-usa, ce sont les désobéissants, ceux-là sont les désobéissants. deux fois. Ceux-là sont les désobéissants, ceux-là sont les désobéissants, ceux-là sont les désobéissants. Rapporté par Muslim. Et c'est l'afdala, cette expression-là, al-usa, donc dans le usul, dans les fondements de la jurisprudence, elles impliquent que ce qui a été fait est haram. Ce qui a été fait était haram, sinon le prophète alayhi salatu wa salam n'aurait pas utilisé le mot usa. Donc al-usa, c'est les désobéissants, et le prophète alayhi salatu wa salam n'utilise pas ce mot-là, si ce n'est pour du haram. Donc cette expression montre bien que ce jeûne-là est interdit. Et aussi par rapport au hadith du prophète alayhi salatu wa salam, la darara wa la dirar. Donc pas de mal pour soi-même, wa la dirar, et pas de mal à autrui. Ou bien la darar, pas de mal. Donc dans la sharia, wa la dirar, et la personne ne doit pas se faire de mal à soi-même. Il y a plusieurs explications de la darar wa la dirar. Donc si jamais le jeûne aussi implique que la personne risque donc vraiment de se faire du mal, il doit obligatoirement rompre son jeûne. Et aussi le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa la taqtulu anfusakum, et ne tuez pas vos personnes. Mais même s'il n'y a pas risque de mourir, si la difficulté est extrême, vraiment très importante, alors à ce moment-là, la personne doit rompre son jeûne. Quand on dit très importante, c'est pas la difficulté normale du jeûne. Même par une journée d'été qui est longue, qui est très chaude, hein, ce n'est pas cette, ça, ce n'est pas la mashaqqa. Ça, c'est une mashaqqa, mais ce n'est pas la mashaqqa très importante dont on parle. Là, le prophète, alayhi salatu wassalam, est parti de Médine vers la Mecque. Hein. Donc, c'est plusieurs journées de jeûne par la chaleur extrême qui existe là-bas. Hein, et ensuite, il a rompu son jeûne hein, alors que la journée était très entamée. Donc c'est vraiment une difficulté qui était extrême et c'est pour faciliter aux musulmans qu'il a fait cela. Donc quel est le voyage qui permet à la personne de rompre son jeûne? Donc comme a dit l'imam Ibn Qudama, alladhi lahu al-qasr. Il a dit c'est le voyageur pour qui il est permis donc de raccourcir sa prière. Donc le voyage qui permet de rompre son jeûne, c'est le voyage qui permet de raccourcir sa prière. Quel est-il? Donc c'est selon le madhhab et la majorité des musulmans, et c'est la parole d'Ibn Abbas, aussi d'Ibn Omar, même s'il y a divergence là-dessus, c'est le voyage d'abord qui a une distance égale ou supérieure à 4 buroud, donc 80 km environ. Donc 4 buroud. Donc lorsqu'on fait un voyage de 80 km ou plus, hein, il nous est permis donc de rompre son jeûne. Par rapport à la durée pendant laquelle on garde le statut du voyageur, dans le madhhab, c'est 4 jours. Hein, 4 jours. Donc 4 fois 24, nous on compte 96 heures. Hein, lorsque la personne ne met pas l'intention donc de rester au même endroit 96 heures ou plus, bi'iznillah, elle reste donc en statut de voyageur. Donc si quelqu'un entre dans une ville donc qui n'est pas la sienne et qui se trouve à plus de 4 buroud, donc à plus de 80 km que la sienne, il lui est permis donc de rompre son jeûne pendant 4 jours si lors de son entrée il sait hein, qu'il ne va pas rester plus de 4 jours. Si jamais lorsqu'il entre il sait qu'il va rester 8 jours, là dès le premier jour il ne l'est plus permis de rompre son jeûne. On ne dit pas il lui est permis de rompre son jeûne 4 jours, pendant 4 jours il reste voyageur et après 4 jours hein, il prend le statut de voyageur. Non, il prend le statut de résident tout de suite le premier jour. Si il sait qu'il va rester donc plus de 4 jours. Si jamais il ne sait pas quand est-ce qu'il part. Hein, il ne sait pas quand est-ce qu'il part. Il vient pour faire quelque chose et tous les jours il dit je pars demain, mais il ne sait pas quand est-ce qu'il part. Là il garde le statut de voyageur même si c'est pendant 1 an, 2 ans. Il garde le statut de voyageur pendant longtemps, tant qu'il n'est pas sûr du moment, sûr de la période qu'il va rester. Mais si jamais il vient, par exemple, dans un endroit, par exemple pour faire ses papiers, pour faire une carte d'identité, il dit je vais rester jusqu'à ce que je fasse ma carte d'identité. Et le bureau qui délivre les cartes d'identité ou bien les cartes de résident, ils lui disent que vous ne l'aurez pas avant 10 jours. Et lui, pour économiser l'argent, par exemple, il veut rester chez un ami dormir et il ne veut pas faire rentrer dans sa ville pour éviter le billet de train, etc. Là, il sait qu'il reste plus de 10 jours. Là, tout de suite, il ne lui est plus permis de rompre son jeûne, et ni de réduire ses prières, et ni non plus de les rassembler, dès le premier jour, parce qu'il sait qu'il reste plus de 4 jours dans la ville. Mais si jamais il va pour faire ces papiers-là, et le bureau lui dit, ça peut arriver à tout moment, vous revenez demain, peut-être vous les prendrez. Il revient le lendemain, il ne les a pas. Il revient le surlendemain, il ne les a pas. Là, même si ça met 15 jours, il peut à ce moment-là, pendant 15 jours, réduire ses prières et les rassembler et rompre son jeûne. Donc la première chose par rapport au voyage, c'est qu'il fasse plus de 80 km, 4 bourouds, 80 km ou plus, 80 km ou plus. Et la deuxième chose, c'est que la personne garde le statut de voyageur, comme on a dit, tant qu'il n'a pas mis l'intention de rester dans le même endroit plus de 4 jours. Autre condition, « Alayakuna safara ma'asiya ». Il ne faut pas que ce voyage-là soit un voyage donc, dont la naissance, à la base, la personne fait ce voyage-là pour faire un péché. On avait dit « La tustabahu ar-rukhas bil ma'asi ». Donc les dérogations, elles ne peuvent pas être utilisées pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Par rapport au hadith de Aïcha, « Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad ». Et cette personne-là, elle fait une œuvre dont elle n'a pas reçu l'ordre. Et les rochas, elles sont là pour travailler les objectifs de la sharia. Donc celui qui fait un voyage pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, il ne lui est pas permis donc de rompre son jeûne. Donc celui qui se déplace pour aller forniquer avec une femme à plus de 80 km, il ne peut pas rompre son jeûne. Celui qui se déplace pour aller voler à plus de 80 km, il ne lui est pas permis de rompre son jeûne. Celui qui se déplace pour aller faire un crédit et acheter une maison dans une banque à plus de 80 km, c'est lui qui ne lui est pas permis. Celui qui va pour visiter une tombe à plus de 80 km, ce n'est pas permis. Même pour visiter la tombe du prophète A.S., ce n'est pas permis de voyager. Quand est-ce qu'il lui est permis donc de rompre son jeûne? Est-ce qu'il lui est permis de rompre son jeûne alors qu'il est encore à l'intérieur de la ville, ou bien une fois qu'il a dépassé les derniers bâtiments de la ville, une fois qu'il est sorti de la ville, une fois qu'il a laissé derrière son dos donc les derniers bâtiments de la ville, à ce moment-là, il lui est permis de rompre son jeûne, et pas avant, même si certains salafs, comme Anas radiallahu anhu, lorsqu'il avait son cheval qui était prêt, on lui avait préparé sa monture, il avait rompu son jeûne, et ensuite il est parti. Et même là, certains savants disent que sa monture lui avait été préparée en dehors de la ville, Allah a'lam. Mais d'où est-ce qu'on prend qu'il n'est pas permis donc de rompre son jeûne avant d'avoir dépassé les derniers bâtiments? C'est du sens du mot « musafir ». Le sens du mot « musafir ». Dans la langue arabe, les arabes jugent quelqu'un comme étant musafir, une fois qu'il a dépassé donc les dernières habitations. Car c'est pris de al-isfar, wa huwa al-dhuhur wa al-bayan. Al-isfar, ça veut dire que c'est la personne s'est montrée et elle apparaît. C'est quand qu'elle apparaît, c'est lorsqu'elle a dépassé les bâtiments. Ça, c'est un musafir dans la langue arabe et même dans le shara. Même dans le shara. Parce que le sens législatif, c'est le sens linguistique plus donc ce qui a été ajouté. Le sens législatif ici, il n'est pas venu enlever donc au mot musafir ce sens linguistique qu'il possède, qui est le fait d'être apparent en dehors de la ville. Donc il n'est pas permis de rompre son jeûne tant qu'on n'a pas dépassé donc les derniers bâtiments de la ville. Et les savants contemporains parlent des grandes villes, donc comme Paris, comme New York, comme ces villes qui sont immenses et qui font 100 km de rayon parfois ou de diamètre. Ici, ce qui est pris en compte, c'est la ville dans laquelle tu es, par exemple sur Paris. Si tu es dans une ville, on va dire Bobigny, c'est une fois que tu as dépassé les bâtiments de Bobigny. Même si tu es encore dans le 93, tu es encore dans Paris, tu n'attends pas de dépasser tout Paris et d'arriver en province. Parce que là, tu as 80 km parfois de périphérique avant d'arriver et de dépasser les bâtiments. Il y en a toujours sur une très longue distance. Donc là, il t'est permis de rompre ton jeûne une fois que tu as dépassé donc, les bâtiments de la ville dans laquelle tu es. Si c'est une ville à l'intérieur de cette ville géante, mais sinon, c'est lorsque tu dépasses le quartier dans lequel tu vis. Par exemple, une ville comme New York, tout est New York. Peut-être qu'il n'y a pas de code postal comme à Paris, certaines villes différentes. Allah, j'en ai pas le détail. Mais si on a une ville dont tous les bâtiments sur 100 km comporte le même nom. Donc à cet endroit-là, je suis à New York, à cet endroit-là, je suis à New York, à cet endroit-là, je suis à New York. Parce qu'à Paris, on dit je suis à Paris, mais tu n'es pas à Paris en réalité. Tu es à Bobigny, tu es à je ne sais où. Donc lorsque tu es dans cette ville-là, une fois que tu as dépassé ces bâtiments-là, de Bobigny, tu peux rompre ton jeûne. Mais peut-être qu'à New York, toute la ville s'appelle New York. Donc là, une fois que tu as dépassé les bâtiments de ton quartier, tu peux rompre ton jeûne. Wallah. Donc ça, c'était concernant le voyageur. Donc le voyageur, il lui a permis de rompre son jeûne. Et on verra qu'il doit rattraper donc sa journée, tout comme le malade. D'ailleurs, le shir dit, il dit ensuite, rahmatullah alayh, فَالْفِطْرُ لَهُمَا أَفْضَلْ وَعَلَيْهِمَا الْقَضَى. Il dit donc que le fait de rompre le jeûne, pour eux, c'est mieux. Mais nous, on a donné le détail. وَعَلَيْهِمَا الْقَضَى. Et ils doivent rattraper leur jeûne. Ils doivent rattraper leur jeûne. Et ça, c'est par rapport à la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ كَانَ مَرِيدًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ. Et celui qui est malade ou bien en voyage, فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرْ. Donc, pour lui, c'est un autre nombre de jours. Donc, il doit rattraper ces journées-là. Et il dit, وَإِنْ صَامَا. Et si jamais, donc, ils jeûnent tous les deux, que ce soit le voyageur ou bien celui qui est malade, il dit, أَجْزَأَهُمَا. Donc ce jeûne est pour eux suffisant. Donc qu'est-ce qu'on a dit? C'est bon, sauf dans quel cas? Voilà, donc si jamais le jeûne il devient haram. Il y a quand même divergence. Mais Allah a'lam, afdal an yaqdi. Le mieux c'est que il rattrape. Allah a'lam. Car certains savants disent que c'est haram et c'est la parole du madhab. Allah a'lam. Une parole du madhab. Pas la seule parole du madhab. Donc il dit ensuite, rahmatullah alayh, al-thani, la deuxième catégorie pour qui il est permis de rompre le jeûne. Il dit al-ha'id wa an-nufasa. Donc la femme qui est en état de menstrue, wa an-nufasa, celle qui est en état de louchi. Tuftiran, elles doivent rompre leur jeûne. Wa taqdiyan, et elles doivent rattraper donc les journées qu'elles ont rompues. Al-ha'id, la femme qui a ses menstrues. Donc ça faudra revenir au détail inshallah du cours sur les menstrues, wa an-nufasa et les louchi. Le lochi, c'est le sang qui sort après la naissance. Après que la femme mette au monde un enfant, elle a du sang donc qui s'écoule. Ce sang-là, donc, il est jugé comme étant du sang de lochi pendant une période de 40 jours. Pendant une période de 40 jours. Si ce sang-là dépasse la période de 40 jours, ensuite elle doit se purifier, faire son roussel du nifes, comme on fait le roussel de la janaba, et ensuite elle a le hukm de la mustahada. Ce sang-là, ça devient un sang de istihada, elle doit ensuite faire donc ses ablutions à l'entrée de chaque prière, comme a dit le prophète alayhi salatu wa salam, watawadda'i li kulli sala, irsili ankidam, lave ton sang. Donc elle doit se protéger afin que ses vêtements ne soient pas atteints par ce sang là car il est impur. Irsili ankidam, donc lave le sang que tu as sur toi, watawadda'i li kulli sala, et fais tes ablutions pour chaque prière. Si jamais le sang se coupe avant les 40 jours, avant les 40 jours, elle sort de l'état de nifes, elle doit faire son roussel, ensuite elle doit prier et jeûner. Elle doit prier et jeûner. Mais tant qu'il y a du sang pendant la première quarantaine de jours, il est interdit haram pour elle de jeûner. Et si elle jeûne, elle est dans le péché. Et son jeûne est batil. Donc il n'y a pas de wujoub, d'obligation pour elle de jeûner à la base. Le jeûne, donc, n'est pas obligatoire pour elle, il est même interdit. Pour celle qui fait une fausse couche, hein, ou un avortement, même si l'avortement, il a ses règles. Nous on donne le cas, ça ne veut pas dire que c'est permis d'avorter, hein, sauf dans des cas extrêmes si la vie de la femme est en danger. Bon, ça c'est un point sur lequel on revient lorsqu'on étudie ce point là. Donc là nous on ne parle pas de il est permis ou interdit d'avorter, hein, la base dans l'avortement c'est que c'est interdit sauf dans certains cas extrêmes, et ça c'est de l'ordre du mufti. Donc s'il y a fausse couche ou bien avortement, donc il y a écoulement de sang. Ici, on regarde dans le madhab Hanbali, il y a divergence, mais dans le madhab, on regarde l'enfant qui est tombé. Donc, est-ce qu'il a des traces donc, de corps humain? Est-ce qu'il a des doigts? Est-ce qu'il a des yeux? Est-ce qu'il a un nez? Est-ce qu'il a des pieds? Même quelques traces, pas obligatoirement que ce soit un corps complet. Si jamais il sort, donc selon cette description-là, alors le sang qui a coulé, c'est du sang de nifes. C'est du sang de nifes. Donc, il est interdit de jeûner et de prier. Et ça, de manière majoritaire, dans le madhab Hanbali, ils établissent que ça se fait à partir de 3 mois environ. Et ils mettent la limite par expérimentation de 80 jours. Donc si ça tombe avant 80 jours, ce n'est pas du sang de Nifes, ça devient du sang de Fesed. Donc c'est un sang hémorragique et la personne, donc la femme, elle a le statut de la Mustahada. C'est un sang d'Istihada, elle doit donc faire ses ablutions à l'entrée de chaque prière, comme c'est connu dans les règles de la Mustahada, et se laver de ce sang-là. Mais si jamais c'est après 80 jours, et notamment qu'il y a les traces donc du humaine, du corps, doigts, yeux, oreilles, etc., ce n'est pas simplement un morceau de viande comme ça, sans les formes humaines. Donc si jamais il y a les formes humaines, ça compte comme un sang de l'oshi, wallah alam. Donc il est interdit de jeûner et de prier pour la femme. Donc il dit al-ha'idu wa-nufasa. Donc la femme qui est en période de menstrues et de l'oshi, tuftiran, elles doivent rompre leur jeûne, wa-taqdiyan, et elles doivent rattraper leur jeûne. Et ça c'est bil-ijma', il y a consensus là-dessus. Il y a consensus là-dessus. Et aussi que la femme qui a ses loshi a le statut de la femme qui a ses menstrues. Il y a consensus là-dessus. Donc, quelles sont les preuves nous montrant qu'il est donc obligatoire pour la femme qui a ses menstrues ou bien ses loshi de rompre son jeûne et de rattraper ensuite? Il y a d'abord le hadith d'Abi Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum qulna bala qala fadhalika min nuqsan diniha » rawahu al-Bukhari. Donc le prophète alayhi salatu wa sallam avait parlé en présence de femmes et il avait dit que la femme elle est naqisa aqlan wa dinan, que la femme elle a une diminution donc dans la raison et dans la religion. Et il a expliqué que une femme a demandé pourquoi est-ce qu'on a donc cette diminution dans la raison et la religion. Il a expliqué que la diminution dans la raison, c'est en raison du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a conditionné le témoignage de deux femmes par rapport au témoignage d'un homme. Et ensuite, il leur a expliqué le manque dans la religion. Il a dit, n'est-ce pas que lorsque donc, une femme a ses menstrues, elle ne prie pas et ne jeûne pas, les femmes, elles ont dit, bien sûr, il a dit, tel est donc le manque qu'elles ont dans leur religion. Rawahu al-Bukhari, le hadith est rapporté par al-Bukhari. On a aussi ce hadith-là, an Aisha radiallahu anha, qalat, kanat ihdana tahidu ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, fatu'maru biqada is-sawm, fanu'maru biqada is-sawm, wala nu'maru biqada is-salah, rawahu muslim. Aisha radiallahu anha dit que l'une d'entre nous donc avait ses menstrues à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On nous ordonnait de rattraper le jeûne et on ne nous ordonnait pas de rattraper la prière rapportée par Muslim. Donc Aïcha dit qu'il était ordonné de rattraper le jeûne, mais il n'était pas donc ordonné de rattraper la prière. Et effectivement, la femme ne rattrape pas la prière et rattrape son jeûne. Et après, on ne pose pas les questions que posent certaines personnes. Pourquoi est-ce qu'elle ne doit pas rattraper sa prière? Elle doit rattraper son jeûne. Ça, c'est un signe de khalal dans l'aqidah, ça. Celui qui pose ce type de questions-là, il n'est pas à la khouta salaf, il ne suit pas les salaf, rahimahumallah. Et d'ailleurs, Aïcha, dans ce hadith-là, a été questionnée par une femme présente. Elle a dit, aharuriyatu anti. Elle dit, est-ce que tu fais partie des haruriyat, c'est-à-dire des khawarij? Est-ce que tu fais partie des khawarij? Et ensuite, elle leur a dit, elle n'a pas donné de raison, car le nas, il ne donne pas de raison, point. Ce n'est pas à nous de chercher. Et Ahl sunnah al-jama'a, yuqaddimuna al-naql ala al-aql. Il donne la prépondérance au récit sur la raison. Donc ce n'est pas à nous de chercher le pourquoi du comment. Pourquoi est-ce qu'on doit rattraper le jeûne? Les femmes doivent rattraper le jeûne et non pas la prière. Ce n'est pas ton affaire. Toi, tu es un abd. Wa rabbu samawati wal ard. C'est lui qui légifère et nous, on doit se soumettre. Chercher les sagesses. Quand il y en a, chercher sagesse, on peut chercher la sagesse, mais une fois qu'on n'a pas trouvé, vraiment insister, essayer de trouver des choses qui ne sont pas présentes dans la sharia, Allah alam, ce n'est pas demandé aux musulmans. Donc quelques notions par rapport donc à la femme qui a ses menstrues. Idan qata'at damu ba'd al-fajr la yujzi hadha lik al-yawm hadha bil ijma'. Si jamais la femme donc elle voit son sang se couper, donc après le Fajr, donc son sang coulait encore après la prière du Fajr, Et après le Fajr, afwan, c'est important ça, il ne faut jamais parler de prière. Après le Fajr, après le lever du Fajr, elle a son sang qui se coupe. Donc ça, elles le savent par des signes que l'on voit lorsqu'on étudie les menstrues. Ce jour-là, donc, il n'est pas compté pour elle sans aucune divergence. Mais est-ce qu'elle doit faire el-imsek, s'abstenir de manger, boire le reste de la journée? Est-ce qu'elle doit s'abstenir de manger, boire le reste de la journée, ou bien même d'avoir un rapport, si jamais son sang s'est coupé, et que elle a pris sa douche, et que son mari est malade, mathal, et qu'il est en état de iftar, ou que son mari, lui, peut avoir un rapport avec elle. Parce que son mari, par exemple, c'est un vieux aussi, comme on va voir, qui donne le itam et qui ne peut pas jeûner, et qu'elle n'est pas vieille. Est-ce qu'elle peut avoir un rapport avec lui cette journée-là, ou bien elle est obligée de s'abstenir? Allah a'lam, elle n'est pas obligée de s'abstenir. Donc ça, c'est le premier point. Si jamais son sang se coupe après la prière du Fajr, elle doit donc rattraper cette journée et elle ne doit pas faire l'imsak le reste de cette journée-là. Même si certains savants l'ont dit, Allah a'lam, elle ne doit pas le faire. Deuxième cas, si jamais elle est purifiée, donc son sang se coupe. Quand on parle de purification ici, c'est coupure du sang. On ne parle pas de la douche. Si jamais avant du bain rituel, on ne parle pas du bain rituel, on parle de la coupure du sang. Les menstrues se sont arrêtées avant Salat al-Fajr. Ici, de manière unanime aussi, elle doit jeûner la journée qui arrive après le Fajr. Même si, ici il y a divergence, mais l'avis que l'on prend, Allah alam qui est le plus authentique, même si elle ne fait pas son roussel avant le Fajr. Donc même si le Fajr donc, se lève et qu'elle n'a pas encore fait son roussel, et qu'elle fait son roussel après la prière du... après le lever du Fajr, elle est obligatoire, de manière obligatoire, elle doit donc jeûner. Mais elle doit faire son roussel à la kulli hal, elle doit faire son roussel, son bain rituel pour la prière. Mais nous, on ne regarde pas ce point-là, nous. Qu'elle doit faire son roussel pour la prière, même si elle doit le faire. Nous, on parle simplement du jeûne. Donc, si elle est pure en termes de coupure des menstrues avant le Fajr et qu'elle n'a pas fait quand même son roussel après le Fajr, ceci ne l'empêche pas de jeûner. Donc, on revient à la parole d'Ibn Qudama. Il dit, Rahimahullah, donc il dit, Wa in samata lam yujzi'huma. Et si jamais elle jeûne, donc ce jeûne n'est pas valide pour la femme qui a ses lochis et la femme qui a ses menstrues. Elles ont même le péché, les mekan il ma'siya, car elles ont désobéi Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième catégorie à qui il est permis de rompre le jeûne, al-hamilu wal-murdi'a, la femme qui est enceinte, wal-murdi'a, la femme qui allait. On ne dit pas al-hamila en arabe, on ne dit pas al-murdi'a. On ne met pas le tata'nif pour des mots qui sont spécifiques à la femme. On ne dit pas al-ha'ida aussi, on dit al-ha'id. Donc, al-hamil wal-murdi'a. Donc, la femme qui est enceinte et al-murdi'a, la femme qui allait. De manière absolue, non. Pas de manière absolue. Ce n'est pas toute femme enceinte qui peut rompre son jeûne et ce n'est pas toute femme qui allait qui peut aussi rompre son jeûne. Donc, il va y avoir trois cas pour la femme enceinte et la femme qui allait. Il va y avoir trois cas et suivant ces cas, on va voir qu'est-ce qu'elles doivent faire. Premier cas, an yakhafa ala anfusihima. Premier cas, c'est qu'ils ont peur pour eux-mêmes. La femme qui est enceinte, elle a peur pour elle-même, mais pas pour l'enfant qui est dans son ventre. La femme qui allaite, elle a peur pour elle-même que le fait d'allaiter, ça l'affaiblisse, ça lui apporte une mashaqa très importante, une difficulté importante. Alors, mais elle n'a pas peur pour l'enfant. Elle n'a pas peur pour l'enfant. Ça, c'est le premier cas. Elle a peur pour elle, pas pour l'enfant, qu'il soit dans le ventre ou bien qu'il soit nourrisson. Deuxième cas, elle a peur pour elle-même et pour l'enfant. Elle a peur pour elle-même et pour l'enfant. Ça, ces deux cas dans le madhhab, c'est le même cas. C'est le même cas. Toujours on fait prévaloir le fait qu'elle ait peur pour elle-même. C'est ce qui prévaut dans les deux cas. Troisième cas, elle a peur pour l'enfant, donc qui est dans son ventre, ou bien son nourrisson, qu'elle allaite, mais elle n'a pas peur pour elle. Elle n'a pas peur pour elle. Donc suivant ces cas-là, dans le madhhab et dans ce qu'a cité l'imam Ibn Qudama rahmatullah alayh, il y a donc des différents cas. Donc nous avons dit qu'il y avait trois cas concernant la femme enceinte et celle qui allait. Donc Donc premier cas, la peur pour elle-même. Deuxième cas, la peur pour elle-même ou bien l'enfant qu'elle a dans le ventre. Deuxième cas, elle a peur pour elle-même et l'enfant qu'elle a dans le ventre, ou bien pour elle-même et l'enfant qu'elle allaite, si c'est une femme qui allaite. Troisième cas, elle a peur que pour l'enfant, donc pour celle qui est enceinte, pour celui qui est dans le ventre. Et pour celle qui allaite, c'est l'enfant, donc le nourrisson. Donc les deux premiers cas, ils sont les mêmes, car elle a, dans les deux cas, elle a peur pour elle-même. Donc elle a peur pour elle-même de manière dépendante, sans avoir peur pour l'enfant, bien qu'elle ait peur pour elle-même et pour l'enfant, c'est le même cas. Donc dans le Madhhab Hanbali, selon la parole d'Ibn Qudama ici qui a été choisie. Et le troisième cas, c'est lorsqu'elle a peur que pour l'enfant. Donc dans les deux premiers cas, lorsqu'elle a peur pour elle-même et pour l'enfant, il lui est permis donc de rompre son jeûne et elle doit rattraper donc les jours qu'elle a mangés. Elle doit rattraper les jours qu'elle a mangés. Quelle est la preuve de cela? Le hadith suivant, « Anas ibn Malik al-Ka'bi » radiallahu. Ce n'est pas Anas ibn Malik, celui qui a été 10 ans au service du prophète alayhi salatu wassalam, c'est un autre. « Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam aqal, inna Allah ta'ala wada'ani al-musafiri s-sawma wa shatara s-salah wa anil hamili aw al-murdi'i s-sawma aw s-siyam rawahu al-Tirmidhi wa al-Nasa'i. » Donc selon Anas ibn Malik al-Ka'bi radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc Allah ta'ala a exempté le voyageur du jeûne. Donc il a allégé du jeûne et aussi de la moitié de la prière. Et ainsi que la femme enceinte et la femme qui allaite, il l'a exempté du jeûne, le hadith rapporté par At-Tirmidhi et An-Nasa'i. Donc de ce hadith-là, qu'est-ce que l'on tire? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la première partie du hadith, Allah a exempté le voyageur du jeûne et de la moitié de la prière. Allah subhanahu wa ta'ala a exempté le voyageur de la moitié de la prière en termes de ada, de le faire maintenant, ou bien en termes de qada, de le faire plus tard, ou bien des deux. Qu'est-ce qui est exempté? Les deux. C'est-à-dire quand je fais deux rak'at pour la prière de Dhuhr et que je suis en voyage, ces deux rak'at-là, donc Allah m'en a exempté, celle que je dois faire à la base à la en état de résidence, il m'en a exempté de les faire à ce moment-là, ou bien je ne les fais pas à ce moment-là et je dois les rattraper, ou bien il m'a exempté de les faire et en plus de les rattraper. Il m'a exempté de tout. Il m'a exempté totalement de ça. Mais il dit dans la première partie, Inna Allah ta'ala wada'a 'anil musafiri as-sawma wa shatara as-salah. Mais par rapport au voyageur, qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? Le voyageur, il est exempté du voyage. En termes de ada, mais en termes de qada, il est exempté. Hein? Le voyageur, il est exempté du saum. Pardon, il est exempté du saum. En termes de ada, il n'est pas obligé de le faire dans le présent. Mais en termes de qada, il est exempté? Non. Donc ensuite, qu'est-ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam? Et il a exempté, donc Allah Azza wa Jal, la femme enceinte et la femme qui allaite du jeûne. Dans le même hadith, il a cité ces deux catégories-là, la femme enceinte et la femme qui allaite, avec le voyageur. Donc c'est la même exemption. Donc c'est une exemption de Ada et non pas de Qada, car certains prennent de ce hadith-là que la femme, donc elle est exempte du Ada et du Qada, elle ne rattrape pas. Après, il se base sur la fatwa d'Ibn Omar et d'Ibn Abbas, selon laquelle ils doivent nourrir simplement et ne pas faire de qada. Donc ce hadith-là, il est clair que la femme enceinte et la femme qui allait doit rattraper les journées qu'elle a jeûnées. Car la fatwa selon laquelle elles doivent simplement nourrir et ne pas rattraper existe. Cheikh Albani choisit cet avis-là, rahmatullah alayh, parmi les contemporains. Mais la majorité, dans les quatre madhhab, elle doit rattraper les journées dont elle a mangé en raison de son allaitement ou bien du fait qu'elle est enceinte. Après, sur le fait de nourrir, ça c'est un autre point. Mais ne pas rattraper, ça existe chez certains salafs, Ibn Abbas, Ibn Omar, radiyallahu anhuma. Allah a'lam, nous reste selon ce hadith-là. Et l'avis d'Ibn Omar, Ibn Abbas qu'on va voir, c'est un ijtihad des sahaba, radiyallahu anhum. Donc c'est un ijtihad, Allah a'lam, on en reste au hadith. Et c'est le Cheikh Ibn Baz, Al-Uthaymin, les contemporains, les kibars de cette époque, les jnad da'ima, le conseil permanent, tous ils disent qu'il y a le qada, que la femme doit rattraper lorsqu'elle est enceinte et qu'elle rompt son jeûne, ou bien qu'elle allaite et qu'elle rompt son jeûne par rapport à sa grossesse ou bien à son allaitement. Donc ça c'est pour les deux premiers cas, celle qui rompt son jeûne pour elle-même ou bien pour elle-même et pour l'enfant. Qu'est-ce que dit l'imam Ibn Qudama ? Al-hamil wa al-murdi' idha khafata 'ala anfusihima. Donc si la femme enceinte et la femme qui allait ont peur pour leur propre personne, aftarata, donc elles rompent leur jeûne, wa qadata, elles rattrapent leur jeûne, et elles rattrapent leur jeûne. Et il n'a pas parlé de it'am, il n'a pas parlé du fait de nourrir. Donc il a parlé de ce cas si elles ont peur pour elles-mêmes. Il n'a pas parlé, Ibn Qudama, du cas où elles ont peur pour elles-mêmes et pour l'enfant. Mais ce cas-là, dans le madhhab Hanbali, c'est le même cas que si elle a peur que pour elle-même. Il dit ensuite, « Wa in khafata ala waladayhima » et si elles ont peur pour leur enfant, toutes deux, la femme donc qui allait ou bien la femme qui est enceinte. Elles ont peur pour l'enfant, mais pas pour elle. Elle dit, « Moi, je suis forte, je suis en très bonne santé, mais cet enfant que j'ai dans le ventre, j'ai peur que pour sa croissance, qu'il ne grandisse pas bien, mais elle est forte, en bonne santé, elle est sûre qu'elle va bien tenir la journée, mais elle a peur que le fait de ne pas boire, c'est des conséquences sur l'enfant qu'elle a dans le ventre, ou même la femme qui allaite. Elle est certaine que ça ne pose pas de problème pour elle, mais elle a peur que son lait diminue et que ça ait des conséquences sur l'enfant. Mais sur sa santé à elle, il n'y a aucun problème, n'a aucune difficulté. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il dit ? Aftarata, elles rompent leur jeûne, wa qadata, elles rattrapent leur journée, wa at'amata, an kulli yawmin miskina. Et elles doivent nourrir, donc pour chaque jour, un pauvre. Et sur quoi donc se sont basés ceux qui ont cet avis-là? C'est sur la fatwa d'Ibn Abbas et d'Ibn Omar radiallahu anhuma. Donc Ibn Abbas, il dit par rapport au verset d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'am masakin. Qu'est-ce que dit Ibn Abbas radiallahu anhuma par rapport à ce verset? Il dit kanat rukhsatan li shaykh al-kabir. Donc c'était une dérogation pour le vieux. Et pour la vieille dame, alors qu'ils étaient capables de jeûner, an yuftira, donc ils donnent à manger, qu'ils rompent leur jeûne, et qu'ils donnent donc à manger, en remplacement de chaque journée manger, de la nourriture à un pauvre. Il dit, walhubla, والمرضع et la femme enceinte, والمرضع et la femme qui allait, إذا خافتا, si jamais elles ont peur, إذا خافتا, قال أبو داود, le rapporteur du hadith, يعني على أولادهما, c'est-à-dire sur leur, pour leur enfant, si elles ont peur pour leur enfant, la femme qui allait et la femme qui est enceinte, أفطرتا وأطعمتا, elles rompent leur jeûne et elles doivent nourrir. Donc Ibn Abbas et Ibn Omar radiallahu anhu majma'in. Et dans cette parole-là, Ibn Abbas, il dit donc que la femme enceinte et la femme qui allait, si elles ont peur pour leur propre enfant, mais pas pour elles, parce qu'il les a mis dans la catégorie « وَعَلَى الَّذِينَ et pour ceux qui peuvent, qui en ont la capacité de jeûner. Il a dit donc qu'elles doivent rompre leur jeûne et nourrir quelqu'un pour leur enfant. Elles doivent nourrir un pauvre pour chaque journée mangée. Mais la fatwa d'Ibn Omar et Ibn Abbas, ce n'est pas que ça, c'est aussi qu'elles ne doivent pas faire le qada. Alors que nous, on a dit que la femme enceinte est celle qui allait, elle doit faire le qada par rapport à quel hadith? Hadith de Anas ibn Malik al-Ka'bi. Allah subhanahu wa ta'ala a exempté le voyageur de la moitié de la salat et du jeûne, et il a exempté la femme qui allait et la femme enceinte aussi du jeûne. Donc c'est la même exemption, l'exemption du ada, de faire le jeûne, mais pas du qada, pas de rattraper. Donc, nous on dit qu'il y a qada par rapport au hadith de Anas ibn Malik al-Ka'bi, Ibn Omar et Ibn Abbas radiallahu anhuma, eux ils disent qu'elles doivent nourrir. Donc certains savants ont pris donc le fait de nourrir un pauvre pour chaque jour mangé par la femme qui allait ou bien la femme qui est enceinte en raison d'une peur, pas pour eux-mêmes mais pour l'enfant, ils l'ont pris de ça, de la fatwa d'Ibn Abbas et Ibn Omar. Mais ça, c'est qu'une partie de leur fatwa. Leur fatwa, c'est nourrir et en plus pas de qada. Mais sinon, l'avis juridique selon lequel ils doivent rattraper en plus nourrir, ça c'est un telkib, c'est une composition des deux avis. pour ça que beaucoup de savants contemporains disent qu'il n'y a que le qada pour la femme enceinte et la femme qui allait par rapport au hadith de Anas ibn Malik al-Ka'bi. Mais si on veut prendre la fatwa d'Ibn Abbas et d'Ibn Omar par rapport au fait de manger, il faut aussi prendre le fait qu'ils ont dit qu'il n'y a pas de qada. Mais prendre simplement le fait qu'ils disent qu'il faut nourrir donc un pauvre par jour manger, mais pas prendre leur avis selon lequel il n'y a pas de rattrapage donc de ces journées-là, Allah alam, certains disent que non. Ibn Baz est de cet avis-là, rahimahullah. Il dit que la femme enceinte et la femme qui allaite, lorsqu'elle mange, dans tous les cas, pendant le mois de Ramadan, que ce soit pour elle-même, pour elle et l'enfant, ou bien que pour l'enfant, il n'y a pas de fidya, il n'y a pas de pauvre à nourrir pour chaque journée donc, qui a été mangée. Allah a'lam, la femme qui est enceinte et qui allaite, l'ilmu indallah, hein, l'avis de ceux qui disent qu'elle n'a pas de iftar, hein, Allah a'lam, il a sa force, mais celui qui veut nourrir un pauvre par jour, hein, c'est plus sûr. Car il y a la fatwa des compagnons et c'est plus certain. Wallahu a'lam, de nourrir un pauvre par jour manger. Qui doit nourrir ce pauvre-là ? C'est le wali. Alladhi tajibu alayhi nafaqatul walad. C'est celui qui est responsable de convenir aux besoins de cet enfant-là. Donc c'est le père s'il est présent. Ce n'est pas la mère. Ce n'est pas la femme enceinte ni la femme qui allait. C'est le père. Si jamais elle a un fils qui est donc responsable donc de nourrir la famille, que le père n'est pas là, et ben alors c'est le grand frère de cet enfant-là qui doit nourrir, qui doit payer la fidya. Et quelle est la quantité de cette fidya-là, de ce itam, de cette nourriture? Donc comme on va le voir après, plus tard, hein, dans Inch'Allah le prochain dars, c'est soit un mud min bur, ou bien un sa' nisfu sa' min ghairi. Un mud de bur, donc une poignée, pas une poignée, afwan, la quantité des deux mains rassemblées, donc ça c'est ce qu'on appelle un mud, lorsqu'on rassemble les deux mains, pas trop fermées et pas trop écartées, et deux mains moyennes, car le mud c'est le mud nabawi, c'est le mud prophétique, c'est la contenance des deux mains du prophète alayhi salatu wasalam, hein, qui n'étaient pas des petites mains et pas des très grosses mains, qui étaient des mains moyennes. Et le mud, donc c'est la contenance des deux mains, pas fermées et pas non plus trop ouvertes, comme ça lorsqu'elles sont naturellement ouvertes. Ça c'est un mud. Donc la fidya c'est soit un mud de blé, ou bien c'est la moitié d'un sa' d'autre chose. Ça peut être de tout, lentilles, ça peut être des pâtes, ça peut être peu importe. Et un sa' c'est 4 mouds. Donc la moitié d'un sa' c'est 2 mouds. Donc soit un moud, une contenance de demain de blé, soit deux contenances de main de autre chose. On verra les hadiths dans le prochain dars, inshallah, par rapport à la fidya de celui qui a un rapport sexuel avec sa femme. Et il est permis de le cuisiner, donc, et de nourrir les pauvres en leur offrant quelque chose de cuisiné, ou bien leur donner, donc c'est cette quantité qu'on veut leur donner. Et les anciens savants disaient que c'est mieux, ce qu'on appelle le temlik, leur donner en possession pour que lui, il fasse ce qu'il veut de ça. Soit il le mange aujourd'hui, soit il le mange demain, soit il le cuisine, soit il ne le cuisine pas. Mais ça, notamment, c'était dans les anciennes époques, où souvent le pauvre, il avait une maison. Parfois, il avait une maison. Hein? Mais il n'avait pas de quoi manger pour aujourd'hui, pour la semaine. Mais aujourd'hui, souvent, les pauvres, ils n'ont pas de maison. Hein? Ça, c'est les gens qui sont vraiment pauvres. Souvent, on a beaucoup de gens, ils n'ont pas de maison. Donc, on les invite et on leur... Inch'Allah leur donne cette nourriture cuite, mais on peut leur donner non cuite. On peut rajouter quelque chose, comme dit Charles Othémine, de la sauce, de la viande ou autre. C'est permis, Inch'Allah. Et on doit, donc, pour chaque journée qui a été mangée, nourrir un pauvre. Et on ne doit jamais précéder la journée. Nourrir le pauvre avant, donc, que la cause de ce it'am soit présente, c'est-à-dire le lever du fajr. Sani. Une fois que la journée a commencé, je peux nourrir le pauvre. Je peux nourrir le pauvre. Mais avant, la veille, non, ce n'est pas permis. Donc je ne peux pas dire je vais nourrir 5 pauvres d'un coup. Hein, parce que je sais que pendant mon allaitement, je vais allaiter 5 jours cet enfant-là, je suis fatigué, alors je nourris 5 pauvres à l'avance. Non. Même la femme qui est enceinte, qui sait qu'elle ne va pas, elle pense de manière prépondérante, elle est très fatiguée, elle va manger tout le mois de Ramadan, c'est son dernier mois de grossesse, et son accouchement il est prévu peut-être pendant le mois de Ramadan ou bien juste après, elle ne dit pas moi je sais je ne vais pas manger ces 20 jours là ou ces 25 jours, je nourris 25 pauvres d'un coup. Non, elle est obligée d'attendre chaque journée. Selon la parole qui dit qu'on doit nourrir, nous on a dit que c'est pour sortir du khilaf, parce qu'il y a quand même la fatwa de certains savants, notamment d'Ibn Abbas et d'Ibn Omar par rapport à cela. Donc à chaque journée, nourrir un pauvre, on ne peut pas précéder la journée. Et si on veut, on réunit 30 pauvres à la fin du mois, comme a fait Anas ibn Malik, c'est rapporté dans un récit authentique. Hein, lui, pendant un an, voire même deux, dans une version, il n'a pas jeûné par cause de maladie. Et après le mois, il réunissait donc autant de pauvres que le mois, soit 29, soit 30, et ensuite il nourrissait tous ces pauvres-là. Donc ça, c'est permis. Mais je ne peux pas donner 5 parts à un pauvre. Par exemple, à la fin du mois, si j'ai 30 parts à donner, je dois les donner à 30 pauvres différents. Je ne peux pas donner 30 parts sur 6 pauvres, c'est-à-dire 5 parts chacun. Lui 5 parts, lui 5 parts, lui 5 parts, lui 5 parts, lui 5 parts, lui 5 parts. Ou bien 15 parts à 2 pauvres, 15 parts à lui, 15 parts à lui, pour 30 jours. Non. Mais je peux nourrir le même pauvre sur tout le mois. Par exemple, il y a un pauvre, je sais, ma femme elle est enceinte et elle ne va pas jeûner ce mois de Ramadan parce qu'elle ne peut pas. Je dis à un pauvre, tu viens tous les jours à la maison et tu auras ta part à manger, Inch'Allah. Et tous les jours, c'est le même pauvre qui vient, ça c'est permis. Ça c'est permis. Il dit ensuite, rahmatullah alayhi, al-rabi, à la quatrième catégorie, donc pour qui il est permis, en réalité il est même obligatoire car ils n'ont pas le choix, de rompre leur jeûne. Al-ajiz an-siyam, celui qui est incapable de jeûner, l'ikibarin, à cause donc de son âge avancé, ou maradin la yurja bur'uh, ou bien parce qu'il a une maladie dont on n'espère pas la guérison. Donc celui qui est extrêmement vieux, hein, qui est très vieux et qui n'a plus la force de jeûner, lui est permis, il est même d'ailleurs obligatoire pour lui car sa vie est en danger, sa santé sont en danger, donc il est obligatoire pour lui donc de rompre son jeûne, hein, s'il ne peut pas jeûner. Ou bien quelqu'un qui est malade et on n'espère pas donc la guérison de cette maladie. Mais c'est une maladie qui, s'il jeûne, a des conséquences toujours. Si quelqu'un a une maladie, mais ça n'a pas de conséquences, alors quelqu'un il a une décoloration de la peau, c'est une maladie ça. Il y a des gens, ils ont une décoloration de la peau, comme ça ils blanchissent, après ils ont la peau très blanche. Est-ce qu'on dit qu'il est malade, lui, on n'espère pas sa guérison? Ils ont dit non, vous ne serez jamais guéri monsieur, donc il peut manger le mois de Ramadan et nourrir un pauvre par jour? Il ne peut pas. Donc une maladie dont il n'espère pas la guérison, comme le diabète par exemple, et ce n'est pas dans tous les cas aussi, hein, c'est si jamais la vie médicale ou bien l'expérience lui montre que lorsqu'il jeûne, hein, c'est dangereux pour lui, c'est dangereux pour ses reins, c'est dangereux pour sa vue, hein, le médecin lui a établi cela, alors à ce moment-là, il lui est permis de rompre son jeûne et de nourrir un pauvre par jour mangé, comme on va le voir. Ou bien celui qui fait de la dialyse, qui a les reins, hein, qui sont morts en panne, cette personne-là aussi, donc il lui est permis donc de rompre son jeûne et de nourrir pour chaque journée mangée une personne. De même pour celui qui a un cancer par exemple, hein, etc. Des maladies dont on n'espère pas la guérison, et ça c'est d'une manière médicale par rapport à sunnat Allah fil kaun. De manière générale, les gens qui ont un cancer ils ne guérissent pas, les gens qui ont un diabète ne guérissent pas. Ce n'est pas en lien avec la qudra d'Allah azza wa jal, sa puissance, hein, subhanahu wa ta'ala. Ça ne veut pas dire qu'on n'espère pas par rapport à Allah lui-même qui ne guérisse pas cette personne-là. Non, Allah ala kulli shay'in qadir. Mais le hukm shar'i n'est pas en lien avec cela. Il est en lien avec, de manière majoritaire, la sunna d'Allah azza wa jal fi kawni, avec la tradition universelle d'Allah dans ce monde-là. Donc, que dit Ibn Qudama? Il dit فَإِنَّهُ يُطْعِمُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا. Ces gens-là, ils doivent nourrir pour chaque jour un pauvre. Pour chaque jour un pauvre. Et donc de quoi est-ce que l'on tire cela? De la parole d'Ibn Abbas radiyallahu anhu, toujours selon par rapport à l'explication du verset وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامِ مِسْكِينَ. Donc pour ceux qui en ont les capacités, alors ils doivent nourrir un pauvre. Qu'est-ce qu'il dit? لَيْسَتْ بِمَنْصُوْخَ. Il dit ce verset n'est pas abrogé. On va expliquer qu'est-ce que ça veut dire. وَهُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَ. Il dit c'est concernant le vieux et la vieille. لَيَسْتَطِعَانِ أَنْ يَصُومَ. Ils ne sont pas capables de jeûner. فَيُطْعِمَانِ Il dit ils doivent nourrir à la place de chaque jour un pauvre. Rapporté par le Bukhari. Il a dit ce verset n'est pas abrogé. Qu'est-ce qu'on avait dit au dernier dars? Il a abrogé celui-là. Il a abrogé. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ شَهْرًا فَلْيَصُمْ. Celui qui a vu parmi vous le mois, qu'il jeûne. Mais lui, il veut dire qu'il n'est pas abrogé par rapport au statut du vieux et de la vieille. Allah a'lam. Il y a d'autres explications chez les savants. Donc le vieux et la vieille, selon cette fatwa d'Ibn Abbas, et en plus c'est un qawl de sahabi, c'est une parole de compagnon, et on ne connaît pas de mukhalif, il n'y a personne qui va à son encontre. Donc ça devient une hujja, ça devient une preuve. Le vieux et la vieille doivent nourrir un pauvre pour chaque journée qui ont été mangés selon les critères qu'on avait dit tout à l'heure. Un moud de blé ou bien un demi-sa, c'est-à-dire deux mouds de contenance de main d'autre chose. Et comme on avait dit, il ne doit pas précéder les journées avant qu'elles n'apparaissent. Et il peut, s'il veut, réunir les pauvres à la fin du mois, tous ou bien les partager, etc. comme on avait dit tout à l'heure. Donc ça c'est le statut du vieux et de la vieille qui n'arrivent plus à jeûner et sont du même statut, celui qui est malade et dont on n'espère pas la guérison. Pourquoi est-ce que lui on l'a mis donc dans le même avec le vieux et la vieille qui ne peuvent pas jeûner? C'est parce qu'il n'a pas de qada possible. On n'espère pas de lui qu'il puisse faire un qada un jour. Il ne pourra pas rattraper puisque sa maladie, Allah alam, reste avec lui pour tout le temps. Donc ça, c'était les quatre catégories qu'a cité l'imam Ibn Qudama, rahmatullahi alayh. Donc on le répète, le malade, avec le détail qu'on a vu, le voyageur, donc celui qui voyage un voyage conséquent, shara'i, législatif, c'est-à-dire qu'il peut raccourcir ses prières durant ce voyage. Deuxième catégorie, la femme qui a ses menstrues et celle qui a ses louchi. Troisième catégorie, la femme qui allaite ou bien qui est enceinte, avec le détail qu'on a vu. Quatrième catégorie, l'incapable, donc celui qui n'est pas capable de jeûner à cause de son âge avancé, ou bien le malade dont on n'espère pas la guérison. Ça, ce sont les quatre catégories qui ont été citées par le cheikh rahimahullah. On rajoute une catégorie qui n'a pas été citée, et il se peut que ce cas se présente, c'est par rapport aux mujahidin, ceux qui combattent fi sabilillah. Est-ce qu'il aurait permis de rompre le jeûne pour prendre des forces face à l'ennemi? Ça, Cheikh Ibn Taymiyyah fait fatwa là-dessus, même s'il y a divergence, mais Allah a'lam, il a émis l'avis selon lequel il est permis. Et lui-même avait mangé, rahmatullah alayh, lorsque les Tatars ont attaqué la ville de Damas, et c'est l'avis d'Ibn al-Qayyim. Ibn Kathir, qui était donc un des plus grands élèves de l'imam Ibn Taymiyyah, il dit dans le Bidayah wa Nihaya que l'imam Ibn Taymiyyah, donc lorsque les ennemis sont entrés dans Damas et que le jihad a été proclamé, et lui-même a participé, rahmatullah alayh, à ce jihad-là, il a mangé et il passait devant les umara, devant les chefs donc, de l'armée, et devant les soldats, et il mangeait devant eux, pour leur montrer qu'il était permis donc, de manger. Et il s'appuie sur différents hadiths, notamment celui-là, dans Sahih Muslim, Abi Sa'id al-Khudri donc, rapporte cette histoire qui a eu lieu au Fath de Mecca. Donc lors de la victoire de la Mecque qui a eu lieu pendant le mois de Ramadan, on a vu d'ailleurs des hadiths en lien avec cet événement-là dans ce dars-là. Que dit Abu Sa'id? Il rapporte l'histoire et le prophète alayhi salatu wa salam a dit donc dans cette histoire-là, innakum qad danawtum min aduwikum, vous vous êtes approchés de votre ennemi. Wal fitru aqwa lakum, et le fait de rompre le jeûne donc est mieux pour vous pour prendre des forces. Il a dit فَمِنَّا مَنْ صَامْ وَمِنَّا مَنْ أَفْتَرْ. Abu Sa'id al-Khudri dit, parmi nous il y en a qui ont jeûné et il y en a d'autres qui ont rompu leur jeûne. ثُمَّا نَزَلْنَا مَنْزِلًا آخر. Il dit, nous sommes arrivés à un autre endroit. Qu'a dit le prophète alayhi salatu wa salam, إِنَّكُمْ مُصَبِّحُ عَدُوِّكُمْ. Il a dit, là le matin vous allez donc être face à l'ennemi. وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ فَأَفْتِرُوا. Il a dit, le fait de rompre le jeûne, c'est mieux pour vous, pour prendre des forces. فَأَفْتِرُوا. Ici, le prophète, alayhi salatu wa sallam, a ordonné. وَالْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ أَنَّهُ يَقْتَدِي الْوُجُوبِ. Et la base dans l'ordre impératif, c'est qu'il implique l'obligation. Il a dit, وَكَانَتْ عَزْمَةً فَأَفْتَرْنَا. Il a dit, c'est donc devenu une obligation. On a donc rompu notre jeûne. Certains pourraient dire que au Fath de Mecca, ils étaient en voyage. Donc c'est pour le voyage qu'ils ont rompu leur jeûne. C'est pour le voyage. Mais ici, non, c'est clair. Le prophète, alayhi salatu wassalam, à chaque fois, il citait comme cause le fait que les compagnons s'approchaient de l'ennemi. Et beaucoup de savants parlaient de ça. L'imam Ibn al-Qayyim, l'imam al-Baji, dans son explication, al-Muntaqa, le Muwatta de l'imam Malik, et d'autres savants expliquaient qu'ici, la cause de rupture du jeûne, ce n'était pas le voyage, même s'ils étaient en voyage, mais c'était effectivement le fait qu'ils allaient entrer donc en contact avec l'ennemi. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.